Ouais. Retour sur XM 172 et sur radiopirate.com. Charles-Éric, viens t'asseoir un peu. J'espère que ça brasse en chaud. Comment? J'espère que ça brasse en chaud. Ouais. Oh oui, la cloche, là. Cling! J'ai dit que le gars qui joue la cloche, là, il se donne. Donc, rien qu'un petit. Donc, est-ce que je comprends, il n'y a pas de fan de Coldplay ici? Non. Là. C'est commercial. Mané, tu veux que la on dirait tout le temps que la. Tu sais, Startin Charles. Moi, j'ai jamais été un fan. Je suis capable de reconnaître qu'il y a quelque chose de bien derrière ça, là, mais ça me touche pas nécessairement. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment, mais moi, c'est pas dans mon. C'est un son. C'est pas dans ma palette de couleurs. Ça s'écoute bien quand c'est proposé, mais moi, mettons que je le mettrais pas moi-même. Dans ton sort. Parti, acheter l'album, là, tu sais, là. Ouais. L'album. Mais quand ça joue, tu peux le laisser jouer sans problème, là. Est-ce que Charles-Éric est un fan de Coldplay? Bon. Ouf. Non. Oui, ça détend. Ça détend. Ça détend. Quand tu veux pas te faire, mettons que tu mets ça avec quelqu'un qui aime pas la musique qui brasse. Moi, j'aime ça un peu plus quand ça brasse. Puis des fois, je tombe ses nerfs de ma blonde. Donc, si tu veux avoir de la paix, tu veux pas entendre ta blonde qui disait, hey, ta musique m'énerve. Tu peux mettre ça, puis ça va faire un genre de, ouais. tu vas être capable de l'endurer, puis bon elle compromis. Va être capable aussi. C'est ça. Un bon compromis. Mais c'est pas ce que j'écoute avant d'aller jouer au hockey ou jouer une game de football. Non. Charles-Éric est un pirate? Yes, pirate. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, tu m'as envoyé tes photos du Festival aérien de Québec. Malgré la pluie, ça avait fait de quoi de superbe. C'était des photos de la semaine ou du dimanche que tu avais pris? La photo du... c'était le... Parce que dimanche samedi, que j'étais allé. Ouais, c'est le dimanche que j'étais allé parce que les Blues avaient volé. C'est ça. Ouais. Tu nous as envoyé des photos des Blue Angels à ce moment-là qui étaient grandes. On avait l'impression que tu étais quasiment sur l'aile. Quasiment. J'avais une photo du S15 d'ailleurs où est-ce qu'on voyait pratiquement le calepin de notes que le gars avait sur sa cuisse. Là, oui, il voyait une crotte de nez. Je me rappelle dans la marine, il y avait une petite crotte de nez. Un snoggy? Il y avait un snoggy. Ah ouais? Il était verte, hein? Oui. Il a dû partir à un moment donné parce qu'un F15, ça claque. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis régulateur de vol. Enseignant régulateur de vol. OK. Puis la photographie, c'est une passion... Ouais, c'est un peu mon deuxième gagne-pain. Parce que pour prendre des photos, je sais pas si tu as donné la permission au gars d'en mettre quelques-unes sur le site pour montrer ce que tu fais comme passion. Mais pour avoir cette qualité d'image-là, faut connaître ça un peu, là. Ben oui, ben c'est sûr, regarde la photo, j'en fais en masse. Je fais de la photo, comme je te disais un peu, mon deuxième gagne-pain, là. J'en fais photo sportive. Je OK, t'en fais pour vrai. Tu gagnes un peu ta vie avec ça aussi. Oui, je paye mon équipement. Gagner ma vie, c'est bien. C'est un grand mot. J'ai la chance d'être enseignant, donc d'avoir pratiquement 3 mois de vacances, donc pouvoir en profiter en masse faire de la photo. OK. Qu'est-ce que t'as comme, quand tu dis je paye mon équipement, qu'est-ce que tu peux avoir pour avoir cette qualité d'image-là? Parce que là, j'ai une photo devant moi sur. C'était cœur. Excuse-moi. Laquelle, toi? Viens voir. Viens voir. Celle-là où ils sont les quatre, là, de côté. Ouais, c'est elle, je l'ai montré par-dessus tantôt. L'autre, là. Ouais. Hein, c'est-tu beau, ça? Mais ma préférée. C'est pas elle? Mais regarde, moi, ça me fait triper, là. Moi, c'est le Blue Angels qui est tout seul, qui est dans les nuages, où est-ce qu'on voit un peu de condensation ses ailes parce qu'il vire, il prend des jeux. Oui, ouais, ça, c'est le fun. Puis on voit, il y a un pilote des Red Arrows qui est assis en arrière de lui. Ah oui? Oui, il a traîné un pilote des Red Arrows. Il a amené un gars des Red Arrows avec. Il dit, viens, moi, te montrer c'est quoi un avion. Puis avec les Thunderbirds, on voit aussi, les gars des Red Arrows, c'est souvent des gars qui ont volé les Tornados. Oh, oui, je sais bien. Puis qui ont volé aussi, ils ont volé quelque chose qui roule aussi. Mais, il y en a une aussi avec les Thunderbirds où est-ce que tu vois un petit cache jaune assis en arrière. Puis ça, c'est un gars des Blue Angels qui est allé faire un tour avec les gars des Thunderbirds. Ah, OK. Bon. Les gars vont s'échanger beaucoup de sièges. Il y en a qui sont embarqués avec les Snowbirds. C'est celle-là, ouais, c'est capoté, ça. Hein? Ah oui, c'est beau, ça. C'est tout un trip pour ces quatre équipes-là de se retrouver ensemble, là. C'est tout un trip. Les gars des Ils ont Red du Arrows, fun, tu penses, ensemble cette semaine de se voir de la gang? Là? C'est sûr et certain. Les gars s'échangent les avions. Les gars, ils partent en media flight. Il n'y a pas juste des médias. Il y a des pilotes des autres. Tire plus, là, Dom, là, parce que si tu tires encore, c'est la lampe qui prend le bord. Ouais. Tu vas te mettre dans les frais. Là. Tu sais comment est-ce que t'es goofy? Hein? Ah, c'est franchement tout un trip pour ces gars. Ben oui, c'est sûr que ça doit être un maudit trip. Ils vont danseuses ensemble, vont manger un gros steak ensemble, vont jouer au golf aujourd'hui. Ah oui. Et tu te places à quel endroit pendant ces journées-là pour avoir les images comme ça? On voit à Tours, souvent. Oui, ben présentement, là, parce que tout ce qui est accessible à l'aéroport, normalement, bon, les gens se retrouvaient souvent... Attends un peu, là, j'en ai une où ce que je vois, le casque jaune des Blue Angels qui pilote en avant... Puis j'ai un gars en rouge en arrière. Est-ce que c'est lui, ça? Ça, c'est le gars des Red Arrows. C'est le gars des Red Arrows qui est dedans? Yes. C'est sûr, c'est pas un gars des Snowbirds. Ça se peut que ce soit un gars des Snowbirds, mais les gars volaient. Je pense que les Blue Angels, ça a été les derniers. C'est tout de suite après Snowbirds. Fait que c'est sûr que c'est pas un gars des Snowbirds. Les gars, on le débrief. C'est une grosse journée de travail, une journée d'entraînement pour ces pilotes-là. Donc, les Red Arrows étaient off hier. Donc, c'est sûr, c'est un gars des Red Arrows. Y a-tu des choses aujourd'hui? Ben, je sais que les deux équipes américaines pratiquent aujourd'hui. Il y en a une qui commence à 10h, là, je me souviens. Parce qu'il faut qu'ils jouent au golf tantôt, là. Ça va arriver de bonne heure. Ils jouent au golf après-midi à tempête, là. Ouais. Ben, il faut qu'ils partent. Les deux équipes américaines pratiquent aujourd'hui. Il y a le F-18 canadien aussi qui pratique. Puis le X-Team, là, qui est le camion, le jet truck. Avec. C'est quoi ça? Le jet truck, c'est un avion. Ben, c'est un avion. Pratiquement. S'il y avait des ailes, ça volerait, là. C'est une van, un camion, un gros camion, avec un moteur de jet en arrière. Ce gars-là, il atteint des vitesses hallucinantes. On l'a vu. Au bout de la piste? Il va sur la piste, puis il écrase. Il va sur la piste, puis il écrase ça au fond. Dans le drag, on voit ça souvent. Ah oh, oui. C'est une turbine d'hélicoptère. Oui, c'est ça. Lui, c'est vraiment une turbine de jet. Oui, oui. C'est un cinglé. Vraiment, là, il y a une vitesse hallucinante. Je l'ai vu à Bagotville. Il y a un peu de sous, hein? Là. Pardon? Il y a un peu de sous. Oui, il se débrouille bien dans la vie. Là. Il a pas trop peur de la fin. J'imagine, là. Puis ces gars-là, ils vont faire une espèce de compétition avec le X-Team. Là, normalement, je pense cette année, il va y avoir Skip Stewart. Je sais pas, les maniaques du Festival aérien vont se souvenir de Jim Leroy, qui malheureusement est décédé l'année passée. Là. Jim Leroy, c'est le petit pit spécial jaune, le bulldog, qui se promenait. C'est un cinglé, ce gars-là. Là, il me donnait des frissons. Mais il est mort fois. Comment? Ça n'a pas relié à son... Dans son spectacle. Dans son spectacle. Si je me souviens bien, c'était à Dayton, Ohio, je pense, qu'il s'est écrasé devant sa famille, malheureusement. Fait une manœuvre, il a pas réussi à relever. Ah, il était dans fin trentaine, peut-être, c'est un jeune juste gars. Ça. Grand gaillard, c'est un sympathique personnage. Là. Mais le prochain, probablement, c'est plate, mais à mourir, ça devrait être Skip Stewart. Là. Qui est là en fin de semaine. C'est un cinglé, lui aussi. Le prochain dans... à mourir. Ben, c'est plate, mais tu sais, ces gars-là, écoute, ils savent qu'ils vont mourir de même. Hein? Ben écoute, c'est fou ce qu'ils font. Ils défient toutes les lois de la gravité. C'est complètement cinglé ce qu'ils font là. C'est, les gars réussissent à voler. Christy, ils sont de côté, le nez en l'air, mais ils volent droit vers l'avant. Ouais. Regarde, ça a pas de sens. Tous les principes de tyrans qui meurent. Ben, c'est dans ça, exactement. À un moment donné, c'est un toi, peu... Toi, Chandleric, tu fais ça, les photos, en fin de semaine, tu fais ça pour toi. Est-ce que tu as un site web sur lequel tu les exposes, que tu les montres aux gens, ou tu fais ça juste pour toi? Je fais ça pas mal personnellement. Je vais vous les envoyer à vous autres, là. On va faire partager aux pirates, là. Mais okay, c'est surtout pour moi, j'ai pas de... Parce que mon travail de photographe, présentement, je m'annonce pas parce que l'été est court. Si je veux profiter de l'été, je peux pas en prendre trop non plus. Puis en plus, il va y avoir des photos de mariage. Enfin, non, mais ça, c'est pas. Ben, c'est ça. T'sais. Je fais du bouche à oreille un peu. Fait qu'une fois de temps en temps, je fais des mariages, des affaires de mariage. En fait, tu veux pas le dire, mais ce que tu fais de commercial, c'est du porn, là, c'est ça? Ben, exactement. OK. Je veux pas le dire, tu sais, mais les filles, il va y avoir un portfolio, je fais un peu de porn. D'ailleurs, Yves, t'es rentré en contact avec moi dernièrement. Il faudrait qu'on s'en reparle. Là. Ah ouais? J'étais un peu déçu, là. Ah oui? Donc, on pourrait mettre. Comment est-ce qu'on ferait ça, Nick, mettre les photos de Chandleric dans le site? Il est en train de taponner là-dessus. Oh, il taponne là-dessus. Mais Charles-Éric, tantôt, me disait que le gars des Thunderbirds, il était pas content hier. T'as peu, voir. Je dirais que Charles-Éric mette des... Yes! Tu veux-tu mettre des écouteurs pour l'entendre? Ouais, attends un peu. Lesquels, là, je pense. Parce que ça, les gars sont l'autre bord, tu les entendras pas. Là. Tiens, vas-y que ça. OK. Non. Ah. Vas-y, Seb. Je vais répéter. Charles-Éric, tantôt, me disait que le gars des Thunderbirds, il était pas content hier. Pourquoi? Il y a de la gravelle sur la piste? Comme non, iPhone? C'était grave. Non, premièrement, si on a deux équipes américaines à Québec cette année, c'est pas pour rien. C'est parce que les gars, ils adorent venir à Québec. Ben, hier, André Jolicoeur nous a dit qu'il avait booké les Thunderbirds, puis c'est les Blue Angels qui ont appelé pour revenir. Yes. Puis il y a un règlement au Pentagone qui dit qu'à l'extérieur des États-Unis, les deux équipes peuvent pas se retrouver en même temps. OK. Et le grand patron un peu de tout ça, il s'est reviré, puis il a dit à l'organisation du festival, il a dit... Les règlements, c'est fait pour être contourné. Ah, c'est beau. Regardons. C'est beau. On va s'arranger. Mais sérieusement, hier, durant la pratique, il y a eu un des Thunderbirds qui a dû breaker la formation. Il a dû avoir un problème moteur, quelque chose comme ça, mais durant vraiment une belle formation, il a été obligé complètement de braquer à l'extérieur puis de sortir de la formation. Fait un peu de on l'a vu, il a fait des engine runs un peu là aller-retour le long de l'aéroport là, il a vérifié pour voir pour checker si tout était beau là. C'est ça exactement. Puis le boss après ça a continué de faire voler les avions qui lui restaient en formation, puis ils ont fait beaucoup de disons sont revenus beaucoup sur leurs pas souvent, fait que probablement que numéro un là, il était pas très très heureux de tout ce qui s'était passé, fait que les gars vraiment puis pour nous autres absolument au sol, là, on voyait absolument rien de ce qui se passait. Quelqu'un qui aurait pas vu l'avion breaker de la formation parce qu'il était à l'extérieur un peu de la vue normalement des gens là, aurait rien vu. Aurait absolument rien vu, se serait juste rendu compte s'il était un peu observateur, se serait rendu compte qu'il manquait un avion. et que cet avion-là se baladait un peu à gauche, à droite. Mais lui, il n'avait pas le choix de faire ça, là. Ah non, il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il se tasse de là. De toute façon, les gars, dès qu'ils ont un problème, écoute, je pense que les Snowbirds sont arrivés ici avec 14 appareils. Ouais, souvent, ils ont un ou deux appareils de plus, mais ils en ont quatre de plus. Ouais, là, les Snowbirds sont arrivés avec quatre appareils. Ils ont chacun leur mécanicien dans chacun des appareils, absolument. Habituellement. Oh, il fait que, écoute, c'est des grosses équipes qui descendent ici, puis les gars, ça, ils ont tout ce qu'il faut, là, pour pallier à n'importe quel problème. Est-ce qu'il arrive avec d'autres avions que les F-18? Est-ce qu'il y a un autre avion avec le personnel qui traîne, mettons, les gars des Thunderbirds? Ben, je sais pas si André Jolicoeur, je m'en souviens plus s'il en a parlé, mais vendredi soir, l'avion de support des Blue Angels, Fat Albert, va faire un spectacle vendredi soir. Ceux-là qui l'ont déjà vu, là... Ben, d'après moi, c'était une surprise, là, parce que... Non, c'était indiqué dans le spectacle. C'était indiqué que Fat Albert va être là. OK. Albert va être là. C'est quoi Fat Albert? C'est un 630, c'est un Hercule. Oui. Donc, ici à Québec, on les voit souvent passer pour le festival, pas pour le festival aérien, mais souvent quand il y a du recherche et sauvetage. On les voit souvent. On les a vus, c'est souvent eux autres qui font du transport aussi en Afghanistan. Ça, on les voit. Fat Albert, c'est vraiment un avion C-130 qui est dédié aux Blue Angels, qui est aux couleurs des Blue Angels, puis qui fait un spectacle hallucinant. Ah ouais? Si vous avez déjà vu un Hercule décoller, vous n'avez jamais vu un décoller comme Fat Albert, il le fait. Je volerai pas le show, là. Il va faire de quoi à Brunante, là. Attelez vos Kodak, parce que vraiment, là, ouf, voir un Hercule se transformer en navette spatiale, là, c'est assez formidable. Il y a personne en arrière, là, tu sais, là. Si vous fouillez un peu sur le web, vous allez le trouver, là, mais... OK, on va... Ça se trouve, le show qu'il fait habituellement? Oui. Okay. Mais voir comme ça, à la Brunante, comme nous autres, on va l'avoir ici, là, j'en ai jamais vu. OK. Hey, merci, Charles-Éric. Reste avec nous autres un peu. On va avoir d'autres questions, mais c'est juste que notre chum PA est arrivé. PA a eu la chance d'embarquer dans les Blue Angels hier. Salut, PA, comment ça va? Salut, ça va bien? T'as pas l'air d'un gars trop fessé? T'as eu plus de problèmes avec ton Jeep qu'avec ton F-18. Une chance, t'as pas eu des problèmes de même avec un F-18 hier. Je devais être là tôt. Puis, ouais, hier, je l'aurais pas trouvé drôle. Je la trouvais pas plus drôle ce matin, mais là, en tout cas, c'est vieux, c'est pas neuf. Tu sais que ça t'arrive hier, tu t'en vas là-bas, les gars attendent pas après toi, là. T'aurais manqué tout un trip, hein. Ça a commencé, cette histoire-là, il y a un mois. OK. On m'a demandé à TVA, Marcel, ça t'intéresse-tu? Il dit oui. Aucun problème. Ouais. Je veux voler. Fait que là, ils ont dit, faut que tu passes un médical. Oui. Je suis allé voir mon médecin, il m'a emmené une formule. J'ai donné ça au médecin. J'arrivais à te faire un médical annuel. Tu sais, nous autres, c'est pas le test du jet, mais c'est le test de la prostate. Là. Oui, c'est ça, c'est bien. Hein? T'aimes ça, poser ça, c'est plaisant. Fait qu'on a tout fait ça, mais je me suis fait féliciter, puis on dit que j'avais une belle prostate. Ben, c'est bien. Mais savoir que tu trouves ça beau, je suis bien content. Personnellement, ça me laisse indifférent. Alors, j'ai passé mon examen, ça a bien été. Tout s'est passé, j'étais bien content. La condition physique est bonne. Mens-tu beaucoup de choses? Tu me dis que c'est une liste longue de même. C'est l'enfer, le médicament. Si tu fais de la pression, tu fais pas de pression. Tu fais de la haute pression. Après ça, tout ce qu'ils appellent les maladie, si tu prends les médicaments, ça pas de bon sens. C'est incroyable, toutes les questions qu'ils vont chercher là-dedans. Mais là, j'ai dit correct. Fait que là, ils ont dit, ils ont envoyé ça là-bas. Ils t'ont demandé, Marcel, excuse-moi, si t'avais eu des relations avec Julie Couillard, quelque chose de genre? Ouais, Julie Couillard, on n'a pas posé. Donc, Ozu, non? OK. Pensez à des fois. On n'a pas laissé de traces. Ah, OK. Ça fait que là, je suis arrivé, là, ils ont dit, faut que tu sois présent à 7h le matin, à l'aéroport, hier matin. J'arrive là. Là, c'est un autre type de médical. On te pose d'autres questions. Et là, t'as un briefing. Le gars t'explique que dans l'avion, ce que tu vas avoir à gauche, c'est une chose. Ce que tu vas avoir à droite, c'est une autre chose. Les manettes, les throttles, ça, c'est là. Puis il dit, à tout ça, tu touches à rien. Là. Ouais. Il y a une place que tu faut, que, où c'est pour éjecter le siège. Oui. Là, il te montre, tu vas avoir une poignée entre les deux jambes. Ça, là-dessus, il dit un code. Il va dire « ready ». Tu dis « ready ». Il va dire « go, go ». Puis là, c'est lui qui t'éjecte. C'est le troisième go. Ouais, c'est lui qui t'éjecte. Puis c'est toi qui as armé ton siège. Tu montes le bouton, c'est ça le piton. C'est exactement ce que j'ai compté. Moi, j'ai fait les snowbirds. C'est exactement ce que j'ai compté hier. Bon, c'est ça. Tu armes ton siège. Avec la poignée, tu dis ouais. Puis sais-tu que s'il t'éjecte, tu vas supporter 12 G? C'est ça te sauve en arrière. C'est blackout. Puis quand tu te réveilles, t'es en parachute. Puis là, 380 places, t'évanouir une autre fois. C'est ça. Ça va pas bien. You hope for the best. Ouais. C'est ce qu'il dit. Là, t'oublies ton café. Hein? Moi, j'embarque. J'ai dit, OK. Fait tu tombes en milieu de l'autoroute. Là, t'es j'aimerais mieux tomber là que dans le fleuve à Saint-Saëns. Oui. Fait que j'ai dit, je vais y aller. J'ai pas de trouble. Il me compte tout ça. Puis tu sais, mon anglais, c'est pas le tien, Jeff. Moi... Je veux un anglais de la Côte-Nord. Je parle l'anglais de brousse. Je le comprends très bien. Je le parle très bien, mais je le comprends pas. Fait, je m'en sors. Finalement, il m'explique ça, puis on jase, c'est correct. Fait que là, il était conscient qu'il parlait un bonhomme, puis moi, j'avais jamais fait ça. José Lagagnère avait fait ça, puis Louis du FM 93 avait fait ça aussi. Mais moi, je l'avais jamais fait. Il dit, fait que je reviendrai avec vous. Si mais il avait fait les Norton Pikes, là, qui était quand même un autre trip. Là, c'est pas une DG pas mal. T'empoignes aussi que le Norton Pikes, là, mais... J'ai dit, c'est correct. Fait qu'on est allé là. Là, le matin, les gars, j'ai dit, je vais aller vous voir décoller, ça n'a pas de bon sens. C'est le fun au bout. Fait que je m'en vais voir. Je prends des images avec Jacques Perrault, mon cinéaste, parce que je monte ça samedi matin, salut, oui. Bonjour. Okay. Puis les images que j'ai prises, moi, je voulais avoir des images de l'avion, les images de la turbine, de la queue de l'avion, les autres. Tu sais, regarde, c'est un rêve de petit cul, ça, là. Ben oui. Tu sais, tes petits gars, tu vois passer ça. 18. Moi, j'ai déjà appliqué dans l'aviation pour être pilote. Et j'avais passé les médicales. Tous les examens qu'on pouvait passer, ça avait. Académiquement parlant, j'étais correct. Sauf qu'à l'époque, ça prenait 5 pieds 8, puis je mesure 5 et 7. T'en manquais un. Il me manquait un pouce. C'est l'histoire de ma vie, il m'a toujours manqué un pouce. C'est ça qu'ils disent. Ah, oui, oui, à l'époque, c'était ça. Il me manquait un pouce. Il manquait un pouce partout. Ah, c'est ça, ça a été l'histoire. T'es essayé de te faire tirer. C'est la différence entre être portier puis maître de cérémonie. Pourtant, j'ai déjà vu une des ex-blondes, elle m'a jamais dit ça, qu'il manquait un pouce. Non, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose qu'on ne veut pas grossir à Pont-Noblonde. Ça fait que là, j'étais à l'époque, alors j'avais rêvé de faire ça. J'étais allé voir les gars décoller, j'écoutais les moteurs fonctionner, puis tu sais. Moi, j'ai un passé de mécanicien comme lui. Mon père était mécanicien, alors j'étais élevé, j'écoutais les moteurs, je me disais, c'était incroyable, la technologie de ça, tu sais. Puis je me disais, la machine, c'est quelque chose. Mais pour moi, c'était le pilote qui était l'élément de mon tour. Puis vous allez voir, la conclusion de mon histoire, c'est un peu ça, c'est le pilote. Finalement, les gars partent, ils reviennent, il y en a un qui perd connaissance, il y en a un autre qui a été malade, il est débarqué, il était tout moi, temps. J'ai prédit hier que la gagnière allait vomir et je pense que j'ai mis... Ouais, il m'a dit, il était correct aussi parce que... Il a vomi? José, oui, il a vomi, il a rempli deux petits sacs. Okay. Mais il s'est fait pousser au bout, là. Il y a beaucoup de mérite, tu sais. Moi, je veux dire, c'est facile d'aller faire un tuto en jet, puis si tu roules à 130 000 à l'heure, c'est la vitesse la plus basse, c'est pas pire que de promener en auto, là. Mais lui, il a dit... Go! Go for it. Puis celui que je pense qui était le plus hardi dans nous autres, c'est Louis. Ouais. Louis, ben lui, il ça, en a fait plusieurs. Fait qu'il dit « Show me your stuff puis, ». Il était à pas deux pouces de la piste de lever, ça a parti. Ça a il est parti en haut. Slingshot. Salut, Louis. Bing. C'est parti, mon ami. À un moment donné, il dit « Louis. Are you there? Are you there? Are you back? Are you back? Et voilà, tu l'entends plus respirer, mon ami. Oh yes, I'm back. Il est bon. Ah, il s'en prend les nerfs, là. Ah oui. On va dire de quoi se fait pousser comme ça, tu sais. Ah oui. Fait que là, quand les gars sont débarqués, Louis, je savais que c'était un gars qui avait de l'expérience. C'était un gars qui était même assez actif physiquement aussi. José, je trouvais qu'il était magané. Il était magané, José. Il se fait amener. C'est un gars qui n'est pas habitué d'avoir la tête en bas, tu sais. Parce que c'est pas léger qui te rend malade. Dans mon livre, là, léger, ça te fait perdre conscience. Oui, tu vois le tunnel. Ce qui te rend malade, c'est les acrobaties. Mais moi, parce qu'on est attaché de tête, ben mais on oui. bouge pareil. Hein? Ben oui, mais moi, j'étais à l'aise dans les acrobaties parce que j'ai fait ça toute ma vie. Gymnase. Moi, faire un twist là-dessus, ben un twist à la trampoline, ou ben un twist à un plongeon, ben un twist au sol, c'est un twist. Oui. T'as l'habitude de voir virer à terre, là. Fait que t'es là-dedans, puis c'est drôle parce que le commandant du pilote était spécial, tu sais. T'es là-dedans, puis là, il t'explique, attention, ce que ça prend pour... D'abord, je vais vous dire que, contrairement à ce que je pensais que le cardio te donnait une bonne chance dans un vol comme ça. No way. C'est le musculaire. C'est le musculaire qui fait que tu restes en vie là-dedans. Que tu vis pas mal ton affaire puis que tu restes conscient tout le temps. Ça prend des jambes très fortes. Oui. Si t'as des jambes fortes, un bon joueur de hockey dans ça, là, regarde, c'est l'enfer. Un gars qui est capable de dissocier. Moi, je dis toujours que le piano, ça m'a aidé. Les doigts raides puis le poignet mou. Oui. Alors ça, c'est les jambes raides puis le corps mou. Comme dans un cours de préparation au mariage, ça a l'air, mais j'ai jamais suivi. C'est ça que je vous parle du piano. C'est exactement mais ça. Mais le cœur reste à des places souvent, hein. Tu sais, quand on... Ouais, le cœur reste en haut, là. Wow! Tu joues avec ça. Ça, c'est l'estomac qui fait tout ce feeling-là, hein? Oui. Alors, là, tu t'en vas, tu crampes les orteils, tu serres les cuisses, puis là, tu gardes le goût du corps mou, puis tu respires le hic, qu'appelle, là. Ouais. Fait que là, premièrement, tu fais un G. Moi, j'ai un G, j'ai rien fait. Genre, c'est pas pire. Pas pire. Là, après ça, il dit, bon, ben, dis-donc, ce qu'on va faire, il dit, on va faire un vol, puis on va tourner vers la droite, mais il appelle ça un stall turn, tu sais. Ouais. Tu montes, après ça, ça décroche, puis là, ça part en accéléré. Ouais. Il dit, tu vas avoir à peu près 2G, 3G. Mais tu sais, ça se prend bien. Moi, quand tu me dis... Ma blonde dit ça, elle, 2G, 3G. Ça se prend bien, ouais. Ça se prend bien. T'es dedans, t'es assis comme il faut. Puis là, tu pars, tu le sens. Là, tu commences à sentir 3G, ton poids se multiplie par 3. Ouais. Puis, tu sais, j'avais entendu les gars, ils avaient été à 6G. Et je me disais, tabarnouche, j'ai non mangé une maudite, tu sais. 6.5, j'ai dit, ça va être l'enfer. Puis là, il me fait, il dit, on va faire un loop. Moi, un loop, c'est un 360 degrés, là, tu pars, tu sais. Tu viens tête en bas, puis tu redescends, puis tu reviens sur l'autre bord. Là, il dit, tu supportes des G pas mal, tu peux aller à 4.5G là-dedans, 5G. Je dis, pas toi. Go. Il dit, ready? Yes. Là, tu pars. Ouais. Ça part. Ça fait, là, hein? La face. Mais moi, j'avais fait déjà des loops en planeur. Ouais. Mais en planeur, t'as pas de moteur. Tu pars avec ta vitesse d'altitude, tu vas chercher tu la vitesse, vitesse ouais, tu montes, puis quand tu arrives au-dessus, le planeur, il continue pas, il décroche. C'est ça, tu tombes. Il repart, puis là, tu descends. Mais lui, il a du pouvoir jusqu'à la fin. Là. Elle m'a dit, quand t'as la tête en bas, t'es relax, après ça, ça repart, tiens-toi bien, mon ami, c'est reparti, ça repart, ça remonte. Là, on était à 5 points quelque. Ça, le gars, le pilote, il dit, Marcel, il dit, puis, là, j'ai dit peut-être ça à tout le monde, tu sais, j'ai dit, et tu fais une bonne job, ça n'a pas de bon sens, ça va bien. J'ai dit, regarde, numéro un. Hey, puis là, tu sais pas que lui, il te voit dans le miroir. C'est ça, lui, il veut te craquer, puis tu dis, oui, encore. Là, tu dis, tu es prêt pour en prendre plus? J'ai dit, certain, pas de problème, je me sens bien, je me sens très bien, tu sais. Fait qu'il dit, là, on va partir, on va faire une course. Non, mais j'allais bien, mon enfant. Mais il voyait que je mentais pas, puis il m'a expliqué pourquoi, il me l'a dit après. Et après ça, il dit, on va faire une course, puis là, dans la courbe, on va aller à 6G, là. Ça, il était à quelle heure, là? Parce que je l'ai tout vu, moi, j'ai tout checké, là. Il était, je devais être là vers 3h l'après-midi. OK, hier, 3h. 3h. On était au-dessus de l'île aux grues, nous autres. OK, donc c'est après la pratique qu'ils ont faite hier, hier midi. Ouais, qui était là-bas. Moi, j'étais le dernier à voler dans la journée, là. OK. Puis c'était au-dessus de l'île aux grues. On était rendu en haut de l'île aux grues. Puis là, mais on s'en fait là, le côté de même, là, où ce que... Oui, la drift, c'est ça, là. La drift. On était là, la drift, là. Et ça, là, il dit... Ben, on voit les images. On voit les images dans les cockpits. On l'a sur Radio Pirate. D'ailleurs, les pilotes, même les pilotes en tant que tels, quand ils le font, tu vois que ça fasse, là. Be ready. I'm ready. C'est OK. Fait, on part, on fait ça. À celle-là, ça cogne. Là, j'étais content parce que j'avais ma technique comme faux. Puis c'est là. Puis moi, j'ai jamais vu le corridor. J'avais pas vu le corridor. Ma vision périphérique est restée comme ça. Parce que quand tu viens pour perdre connaissance, c'est que ton sang veut descendre dans le corps. Tu vois un corridor gris. Si il descend, la vision périphérique diminue, corridor, blackout. Moi, je me disais, je checkais tout le temps, tu sais, je faisais la technique, ma vue changeait pas, il n'y a rien qui changeait, là. C'est maintenant que ça va bien. On est correct. Puis j'étais là, mais j'aimais ça. Fait que le gars, il dit, hey, you're smiling! J'ai dit, ben oui, j'ai dit, j'aime ça. Il dit, je fais quelqu'un dans mes shorts, mais I'm smiling. Non, j'ai dit, j'étais en confiance. J'avais pas de trouble. Ah oui. C'est bien plus ma machine que c'était j'étais avec la sienne, parce que lui, la sienne, je savais qu'elle possédait, puis garde, j'ai posé des questions, puis il y en a une, j'ai posé, tu vas voir après. Fait que là, il dit, on va faire la manœuvre la plus difficile, Marcel. Il dit, là, si t'es prêt, il dit, ça, faut que tu te tiennes. Il dit, on est descendu à 500 pieds, on a amené l'appareil à la vitesse la plus basse, parce qu'il dit, quand tu gagnes des combats, c'est pas parce que tu vas le plus vite, c'est parce que tu vas le plus slow. Il dit, comme ça, tu te ralentis, tu passes en avant, il est fait, c'est lui qui est dans la mire. Ouais. J'ai trouvé ça bon. Ah, j'ai dit, c'est pas mal bon. J'ai demandé en même temps, j'ai dit, quoi la distance qu'il y a de vos ailes qui ont fait un spectacle 18 pouces? 18 pouces? Un vrai 18 chose, pouces, là. Parce que dans Snowbird, c'était, comme je disais hier, 3 pieds au-dessus, 3 pieds de côté. Ouais, dans le temps, là. Moi, quand je l'ai fait, il y a une dizaine d'années. Avec 500 pieds, 90 degrés, on tape au fond. Full trottin. On monte en haut. 12 7G. C'est bon. Hey, m'a dit, là, quand ça a décollé, cette affaire-là, là, moi, je pensais que j'avais été dans un champ. Tu l'as entendu, hein? Ah, non. Et j'ai mis les burners. Il appelle ça les burners. Il a clenché ça. Ça a parti, cette affaire-là. Là, tu montes, là. Tu te tiens comme faut, puis là, tu travailles. Hein. Là, tu dis, hey, faut que je reste ici, là. Faut que je reste ici. Mais je respirais, ça allait bien. J'ai jamais mal filé. Quand j'ai eu fini, ben, il dit, garde. Il en revenait pas, mais j'ai dit... Il t'a une grosse condition physique. Il avait été un athlète. J'ai dit, oui, ça va bien. On s'en sort. J'ai été bien mené. Attends, je m'accroche. Mais j'ai dit au gars, c'est incroyable. C'est en train de me prouver ce que moi je dis depuis des années. Je dis que un cerveau dans un corps qui bouge pas, c'est un cerveau qui résonne pas. Et pour mener des appareils comme ça, faut que tu sois capable de résoudre des problèmes dans les fractions de secondes. Ouais. C'est des gens qui ont des solutions multiples, des automatismes de développer. C'est ça qui se produit, on fait ça, c'est ça, si on fait ça, on fait ça. Ah oui. Une minute et demie à 700 000 à l'heure, oublie ça, là. T'es rendu loin puis t'as manqué ton coup parce que ça va à 1000 km heure, cette affaire-là, là. Tu vas pas t'être calculatrice, là. Non, ça va à 1000 km heure, Jeff, là. C'est pas des blagues, là. Là, il vous a monté à combien, le Mach? Je sais pas, moi, quelle vitesse exactement. 0.9 Mach. Il pouvait pas aller jusqu'au fond parce qu'il dit... Vous avez pas le droit. Il a pas le droit. Puis en même temps, le plus de jeu qu'il pouvait faire supporter son appareil, c'était à 7.5. Parce que dépasser ça, il fallait qu'il fasse une inspection maximum G-force. Okay. Puis ça, c'est il rentre dans le garage, puis il refond tout. Mais il défonce, il fait de la tube. Puis c'est l'enfer. Alors, j'ai fait 7G. Il t'a-tu fait prendre des G négatifs? Oui, on voit ça en revenant, oui. Ça, ça a bien été. Mais ça, c'est le respire, hein. Quand tu prends tes jets négatifs, tu prends un respire, là, ton estomac sur place, puis t'es correct. Tu prends ça. Sais-tu où j'ai déjà senti des jets comme ça? Non. Avec les mêmes exercices que les gens du Cirque du Soleil font. Vous avez vu les gens qui font de la trampoline sur le Cirque du Soleil? Oui. Qui tombent sur le dos, qui marchent sur le long d'un mur, qui retombent sur le dos, qui marchent sur le long d'un mur? tu sais, elle est à côté au mur. Ben, quand tu pars pour tomber sur la première chute, là, tu pars à 25 pieds. 25 pieds, tu vas me dire, c'est pas haut, là, c'est deux étages et demi. Mais tu tombes sur le dos, sa trampoline. Oui. Puis quand tu tombes, tu supportes des jets positifs. Ben oui, oui. Puis quand tu remontes, t'as des jets négatifs. Mm. C'est un feeling. Quelqu'un qui n'est pas habitué de faire ça, là, c'est tout un feeling. Alors, ça ressemblait à ça. Mais accentué, tu veux dire, là. Mais ça ressemblait à ça. Ça fait que j'ai demandé, après tout ça, j'ai dit, tu t'es en train de me prouver que vous avez vraiment une bonne tête pour faire ce type d'athlète-là. Vous êtes des athlètes. Et des athlètes de pointe, dans mon livre. Et avoir une bonne tête, c'est une chose. Être en bonne condition physique, c'en est une autre. Mais avoir la discipline pour la garder puis d'évoluer là-dedans. Surtout ça. C'est ça que vous faites. Parce qu'on est tous capables d'envie de faire une bonne shot. Maintenir des bonnes shots. C'est ça. C'est là qu'est la performance. Mais c'est des pilotes d'F1 d'aviation. Voilà. C'est pareil. C'est le même genre d'individu. C'est exactement ça que vous faites. Vous vous gardez ça à coche. J'ai beaucoup d'admiration pour vous autres. Puis je vais vous dire une chose. On peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. Mais on ne peut pas avoir une balade comme ça autrement qu'avec un gentleman. Ah. Parce que il peut te casser la gueule en partant. Oh oui, il peut t'assommer, te rendre malade, te revirer de bord d'un bout à l'autre. Tu vas t'emprunter, excusez l'expression, tu vas t'emprunter de la merde pour aller chez un venant. Là, regarde, il peut te vider d'un bout à l'autre. Il n'y a rien à faire. C'est quoi la question que tu as posée, tu disais tantôt? Ah, la question que j'ai posée, oui, c'est à quelle place que tu as eu le plus peur quand tu as piloté ça, sauf en état de guerre, là, sauf à la guerre, parce que quand tes obus te penchent chaque bord dans la tête, tout le monde est pareil. Et il dit, c'est quand j'ai atterri sur un porte-avions de nuit. Oh! Ah, il dit, garde mon trottel. Il m'a montré son trottel de chaque côté, là, puis il a fait des mouvements comme ça. OK? Il dit, ça, c'est le jeu que j'ai quand j'atterris. Et cinq. Il dit, je m'en viens, je vois rien, j'ai trois, quatre lumières, puis il dit, là, faut que j'aille le bon angle, le porte-avions bouge d'un bord, toi, tu bouges l'autre bord, t'as une petite fenêtre pour rentrer, faut que tu rentres là. Puis une fois que t'as touché, si tu pointes pas le premier, faut que tu pointes le deuxième. Si tu pointes pas le deuxième, faut que tu pointes le troisième. Si tu le pointes pas, t'entends un cri. Tu remets la pénette au fond, puis tu repars en haut. Parce que tu te crisses à l'eau. Ah oui. Puis tu rentres en haut, là, il y a un avion, faut que tu te retanques. Tu reprends du fuel. C'est probablement la chose la plus difficile pour un pilote d'atterrir sur un porte-avions. J'ai dit, explique-moi pourquoi il n'y a pas de pilote plus de 40 ans, maximum, au combat. Ah, tu sais, comme Marcel, tu sais, comme tu disais, c'est une question d'athlète, hein. À 40 ans, t'es moins fort un peu. Tu récupères moins vite. Par conséquent, t'es moins alerte. T'es moins alerte. Ouais. Alors, c'est pour ça que les gars, il y en a qui pilotent. Des fois, il y a une exception qui s'est rendue à 55 années, là. Mais il dit, pour de ça, il dit, plus jamais. Ben, il dit, je veux vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour les types que vous êtes, les personnalités que ça prend pour faire ce type de travail-là, le sérieux que ça prend. Et. Mais est-ce que tu le vois quand t'es rencontres, que tu le sens tout de suite? Parce que habituellement, quand je rencontre ces pilotes-là, tu le vois, là. Des athlètes. Tu vois que c'est pas des imbéciles. Tu le vois tout de suite. Tu rencontres ces gars-là comme tu vas rencontrer un bon joueur de hockey, un bon joueur de golf, un bon joueur de tennis. Ils sont à part. C'est des gens à part. C'est une coche. C'est ça. C'est des profils particuliers. C'est des profils qui ont beaucoup de qualités, qui sont capables. Moi, à mon sens, un champion dans quelque chose, c'est le gars le plus intelligent de sa gang dans sa discipline-là. On s'entend? Des champions imbéciles, il n'y en a pas. Oubliez ça, là. Si. Non. Regarde, là. John Daly, il n'a pas toffé, là. T'es imbécile, t'es imbécile. Il y a même pas beau le plus long, le meilleur golfeur, c'est un imbécile. C'est un imbécile. Il va se faire battre par le gars le plus intelligent dans sa gang. C'est ça. Qui va être capable d'allier performance, intelligence, discipline et rigueur. Il n'y a pas de magie. Il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Ouais, mais c'est la vie. J'ai même pas 50% dans aucun des cinq, là. Ah oh, ouais, mais. Ça dépend. Ça c'est vrai, par exemple. Moi, dans le rien faire, je passe à 80, par exemple. Comment tu dis? Je vais juste rajouter un peu pour les Blue Angels. Les gars, c'est vraiment, regarde, c'est des machines, ces gars-là, là, c'est terrible. Normalement, un pilote de chasse va piloter, Jeff, tu l'as peut-être vécu avec les Snowbirds, et ils vont piloter, ils ont des G-suits sur le dos. Oui. Ils ont des pantalons. Mais dans les, Exactement. Les Blue Angels n'en ont pas. Pas de G-suit, moi. Alors, pour les gens qui savent pas c'est quoi un G-suit, c'est une culotte qui monte à partir des chevilles jusqu'à l'abdomen. Qui est pluguée sur l'avion. Puis avec le système d'air comprimé de l'appareil. Ça compense, là. Ça va faire un peu le mouvement, là, de compression des muscles. C'est qu'en combat, ils mettent ça. Exactement. En combat, ils mettent ça pour une raison bien simple. C'est que d'abord, ils sont longtemps dans les airs. Et ces contractions-là sont très fréquentes et en plus sont imprévisibles parce qu'il va y arriver de côté, c'est bang tout de suite, tu sais. Puis après ça, il revient tout de suite. Des fois, ils sont. Alors, les G-suits le permettent de faire ça. Il t'a fait plus longtemps, il gardait plus. Mais pour faire ce qu'on a fait, nous autres, on n'avait pas de G-suits. On avait une chaîne de garage sur le dos. Salut, Luc. Les gars des Blue Angels, ils peuvent pas porter de G-suits pour pouvoir justement avoir le plus grand débattement possible sur le manche. Avoir un G-suit, il serait beaucoup trop limité. Il serait pas capable de faire les manœuvres qu'ils font présentement. ils vont gagner beaucoup plus de manœuvrabilité sans le G-Suit qu'avec le G-Suit. Puis n'oubliez pas qu'on passe pas notre temps à 7G, puis qu'eux autres non plus. Là. Non. Ils passent par là, ils reviennent, ils repassent, ils reviennent. Et ces gens-là sont dans leur auto, là. Nous autres, on est habitués d'être à cheval. Quand on embarque là-dessus, là, c'est pas pareil. Mais c'est quelque chose pareil quand tu lèves, là. Quand tu lèves, c'est souvent quand tu lèves, ils te revirent tout de suite, OK? Ça, moi, le feeling, là. Puis là, vu que tu pensais que t'étais bien strappé, que t'allais pas bouger, ce qui est pas vrai, tu bouges en crisse, là. Là, tu penses que tu tombes. Moi, c'est le feeling que j'ai eu. J'ai dit, qu'est-ce que ça va tomber? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Ben, c'est parce que moi, il m'a levé tout de suite de même. On est arrivé au bout de la piste, il m'a levé, puis j'ai viré de main tout de suite. J'étais certain que j'allais enculer la vache en bas. Il m'a descendu au-dessus du fleuve Saint-Laurent à 200 pieds. Il a viré ça à l'envers. Puis on est parti la tête en bas. Il dit, we can go to Québec. J'ai dit, why not? Il dit, we'll be sick. C'est revenu douette. Moi, j'étais prêt à partir vers ta vélo à 200 pieds, la tête en bas. On s'en va, mon ami. Il y avait tout dédoré. C'était toute beauté. Voyais-tu du poisson dans le fond? Je sais pas, mais j'ai vu le ciel, là, parce que moi, c'est ma joke. Quand on est allé, nous autres, on avait avec les Snowbirds, le gars qui était en charge des Snowbirds était un gars de Lac Bouchette au Lac Saint-Jean. Puis il voulait aller saluer sa famille. Donc, on est allé toute la gang. Puis on a fait un loop, justement, en haut. Là, j'essayais de regarder un peu quand on montait, je voyais que, tu sais, le lac Saint-Jean, quand même une grosse masse d'eau. Là. On était rendu tellement haut que tu voyais les limites du lac. Ah ouais. Mais quand, justement, on a décroché, on a descendu en bas, j'ai dit, Chris, on a tellement viré tard que je voyais des moines à neige dans le fond du lac. Tout ça en 3 secondes. Ah non, j'ai dit, moi, malade, c'est des malades dans la tête. Mais regarde, PA, t'as vécu un trip. Moi, c'est tout un trip. T'es un privilégié. Oui, tout à fait. Faut que tu admettes une chose, par contre. Puis je le sais à quel point t'es en forme. Là. C'est pas une farce. Là. L'éducation physique, c'est ta vie. T'es anormalement en condition physique pour un gars de ton âge. Non, non. Le meilleur n'est pas bon. Marcel, tu l'entretiens, ta condition physique. Ouais, mais c'est une question de discipline. C'est à chaque jour. Mais pas vrai de dire que ça ne m'agane pas. Hein. Ton corps n'est pas habitué de subir des jets comme ça autant. T'es arrivé brûlé à la fin. Je sors de là. J'étais pas fatigué. J'étais heureux. J'étais excité. Mais je sentais que j'avais vécu quelque chose physiquement auquel je n'étais pas entraîné. C'est ça. C'est anormal. Anormal. Tu sais, je me suis couché hier, là. Sur le matin. Mal dans le cou. T'es vieux, mon bonhomme, hein? J'étais encore en vie, tu sais. Mais je sentais que j'avais vécu quelque chose de physique qui était intense. C'était une performance. Et il ne faut pas oublier, les gars, non plus, que c'est de l'entraînement, ça, là. T'as jamais couru un marathon. Moi, un grand bout, tu vas me trouver bon en tabarnouche à côté de toi. Oui, Tu l'as jamais couru. Mais les gars sont pas fous aussi. Ils savent que t'es comme ça. Ils veulent te faire vivre du feeling. Ils ont pas dû embarquer beaucoup de bonhommes de 56 ans, là. J'ai demandé le plus vieux qui avait volé avec eux autres. Ils m'ont parlé de 60 ans. Plus vieux. J'ai pas demandé ce qu'il avait fait avec non plus, là. C'était pas le but. Mais ils m'ont parlé de 60 ans. Mais c'est drôle, les gars, hein. J'étais assis dans l'appareil, là, quand c'était assis en avant de moi. Puis les gars m'avaient conté ce qu'ils avaient vécu, là. J'ai dit, asti, je suis vieux. Ouais. Ouais. C'était des gars de quel âge? J'avais 32. 32? Puis moi, j'étais assis en arrière, puis je me disais, c'est la première fois, là. C'est la première fois de ma vie que je réalise. Que tu t'es senti un vieux un peu. Là, je suis vieux. Arrête, toi. Ouais. J'ai de la misère avec mon 46. Là, je suis vieux. Tu voyais les flots en avant, là. Tu voyais la performance, tu voyais, d'abord, physiquement, c'est des gars qui ont de belles shapes. Ils sont douettes, on va dire, bien comme il faut, là. Y a pas de des bonnes cuisses, des bonnes fesses. Ils sont assis là-dessus. Le gars, c'est sa vie. Ils sont proud, hein? Ah! Sont-tu proud? C'est-tu beau? Douette, pis fier. Ouais. Ah, fier. Pis d'aplomb. Tu vois ça aller, là, pis c'est des beaux athlètes. Avez-vous une petite cérémonie d'avant-départ avec une petite cérémoniale avec les mécaniciens en partant, le salut, puis non. Juste des choses qu'on fait. On va voir quel bonhomme, on va s'en débarrasser. le mécano est allé le voir, il a dû dire, gars, ça c'est mon casque, tu vomis dedans, tu le nettoies. C'est ça. Non, ça a été, là-dessus, ça a été correct, tu sais, ça a été bien le fun. Je me suis assis, là, j'ai parlé au gars qui m'expliquait, parce que le gars, c'est un autre gars qui t'explique, c'est pas le pilote au début. Après ça, quand le pilote embarque, là, lui, il se penche vers toi, puis là, il jase. Il jase un peu, puis il dit, comment tu te sens? J'ai dit, je suis anxieux. J'ai dit, moi, je suis pas là pour faire des cachettes, là. J'ai dit, garde, je suis anxieux. J'ai anxieux, mais heureux. Alors, j'ai dit, j'espère juste de bien vivre ça. Puis, dans ma tête, je me disais, dis-y de pas te partir trop vite, tu sais. Mais j'ai fermé ma gueule, j'ai dit pas vrai, on va laisser aller. Oui. Ah ouais, taffe ça, le petit. Il t'a levé ça comment? T'es capable. Ah, il m'a levé ça, Ça a levé. La dernière fois que j'ai levé de même, elle était belle en avant de la. Il m'a levé, comme faux, hein, on va dire. Pensez pas à un gars qui m'a levé comme ça. Non, non, ça a été bon. Ça a été de toute beauté. Mais ça, c'était tout un feeling, c'est la piste aussi, hein. Quand ça part, ça accélère, là. Tu dis, moi, je pensais que j'avais déjà embarqué dans des chars qui marchaient, là, mais. Ah, non, non. C'est incroyable. Ça, là, ça décolle, là, petit wheeling blanc. Ça passe, après ça. It's okay, we'll go by. Bang! Salut, Tox. Ça répond, hein. T'as pas le temps de changer d'idée. Oublie ça. C'est vite. Assez vite, c'est un réflexe. Mais imaginez-vous ces gars-là en combat. Parce que là, ils jouent leur vie, là. Oui. Puis quand tu voles, lui, il avait fait l'Afghanistan, ce pilote-là. Quand tu voles au-dessus de ça, la seule chose que les gens qui sont en bas veulent, c'est te sacrer en bas, hein. Oui, c'est ça. Fait que tu te promènes à travers les obus. Il y a des choses à faire. Après ça, il faut que ça redécolle. Quand il y en a un qui s'en vient, qu'il l'entende, faut qu'il vive des situations, là. S'il est encore là, c'est parce que dans la gang qui a été là, c'était le meilleur. Il est revenu. Oui, c'est ça. Il a été en compétition avec des gens qui ils ont été capables de s'en sortir. C'est donc dire qu'il a mieux réussi que celui. Mais quand tu te remontes dans ces équipes-là, là, c'est la crème. Là. C'est souvent la crème des pilotes. C'est des, c'est des privilèges qu'on donne à des gens qui ont des qualités exceptionnelles en plus. Là. T'as affaire avec des tops. Là. C'est vraiment des bons pilotes. Des personnalités fortes. Et gars, imaginez-vous, t'es quelqu'un de brillant, t'es quelqu'un qui a étudié, des ingénieurs. Oui. Qui a travaillé fort, que t'as entraîné, qui physiquement est sacoche, qui mentalement est sacoche, t'embarques d'un avion, puis tu vas peut-être faire rien que deux vols. Parce que ce que tu vois, tu chauffes une balle de fusil, toi, là. Ben, c'est le meilleur que t'envoies en l'air. Ouais, c'est à le haut risque. Meilleur que t'envoies en l'air à haut risque. Imaginez-vous la mentalité de ces gars-là au départ. Ils veulent revenir. Ils vont, eux autres, là, quand ils partent pour la guerre, ils vont pas jouer, là. Ils vont pas faire une balade avec un bonhomme là, comme ils ont fait avec moi là. Mais non. Ils s'en vont pour la patrie là. Pour la gang en bas qui défendent. On a beau dire ce qu'on voudra d'eux autres là. Ah oui, c'est ça. Ça prend tout un caractère, toute une personnalité, faut être fier, faut croire dans ce qu'on est. Eux autres ils font pas de la politique là. Non. Eux autres ils font ça pour l'amour de leur pays, on leur a dit que je fais ça, j'étais engagé par mon pays, je suis honoré de faire ça. On me dit gars, il y a des valeurs à les défendre, je vais les défendre. Ouais, tout à fait. Eux autres là, la politique mettre ça de côté. Tout à fait, puis je vais vous dire avant d'aller en avion avec ces gens-là, j'avais beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour nos soldats, pour nos gens qui sont sur le terrain à travers les obus, puis à travers la gang. J'en avais déjà pour eux autres pour leur performance athlétique, mais j'en ai aussi pour le type de travail qu'ils ont à faire. Personne veut ça. Mais ça prend ça. Mais c'est un gars. C'est nécessaire. Ça prend ça. Puis c'est l'histoire de la vie. Puis ça fait partie de nos prédateurs. Oui. Il y aura toujours un prédateur quelque part. Il y aura toujours un prédateur quelque part. Puis si on n'a pas de prédateur pour se battre avec des prédateurs, ben on va se faire éliminer. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de gauchistes là-dedans, là. En tout cas, on m'a dit, il travaille tout. La main gauche est sur le trottel, puis la main droite est sur le manche. Ouais, hein? Puis les deux mains s'obstinent pas parce qu'ils veulent s'en. Ça va du même bord. C'est incroyable. Hey, pas de GPS, ces appareils-là. C'est vieux, ça, les F-18. Là. Ben oui, c'est vieux. Je dis, gars, c'est pas de GPS. Ben non, non, we don't need it. On n'a pas besoin, on ramassait un nuage, on a pogné un squall, là. Oui. Un espèce de squall comme on pogne de Saint-Cyr, là. J'ai dit au gars, il dit, how do you feel? J'ai dit, je trouve que tu vas plus vite que moi dans la brume avec mon bateau à voile. Et on passait à 500 000 à l'heure, j'étais habitué de passer là à 5-2. Il y avait comme, on voyait rien, là. T'étais dans le nuage, comme dans la brume. Ça exactement le même feeling que la brume, sauf que tu t'en vas à 500 000 à l'heure, 600. Puis là, tu dis, garde, pas de GPS. Il gardait sa course, puis de temps en temps, t'entendais la course au contrôle, 20 degrees, left. Ça en allait 20 degrés, ça en allait de même. Parce que ça dit, garde, c'est trop mauvais en avant, faites un tour. Faites un tour. Finalement, on s'est promené, on est allé passer au-dessus de la maison chez nous à Neuville. J'ai trouvé ça bon. On avait fait un détour. J'ai dit, on peut-tu aller passer au-dessus de la maison? Oui, monsieur. J'avais averti mon voisin, M. Doré, il est 80. Puis il est douette, le bonhomme, il est en forme. Il a entendu péter ça au-dessus de la maison. C'est marqué par son dentier. Je l'ai revu. J'ai dit, on vous a salué, mais on est monté là. Puis quand il a atterri ça sur la piste, là, c'était un beau feeling parce que t'es assis au-dessus de lui. Hein, oui, en arrière. Donc, t'as vraiment l'impression de lander, de toi, là, qui lande d'avion. Au lieu d'être assis en arrière, t'as vraiment l'impression que tu vas arriver ça. Alors, c'était un beau feeling de voir rentrer ça. T'es comme ça. Tu rentres sur la piste. C'est assez smooth. Ça a rentré. C'est pas un journaliste attitré, hein. C'est pas un journaliste atypique, ben non, là. Raconte. Cravate. Mais non, c'est on un raconteur. Le vit avec lui, hein. On le vit avec lui. Regarde, je le vis. On le vit avec lui. Même que je suis envieux. Oui. Je suis content pour toi. Tu l'as fait. Ben, j'ai fait des snowbirds, mais j'aurais aimé les F-18. Mais je vais te dire, j'ai pris des photos. Moi, je suis pas un gars qui prend de photos, j'ai pris des photos. Puis à la fin, quand tu es arrivé, là, j'ai dit à Jacques, filme ça. Le gars, il est rentré dans la turbine. Il y a un mécanicien qui est arrivé. Le jet était arrêté. Je venais de débarquer. Je venais de donner la main au pilote. Il y a un gars qui est arrivé à côté de la turbine. Il est rentré dedans, il a disparu dans le jet. Ben oui, filme-y, on y voyait avec les semelles l'an dernier. C'est ce qu'il fait là. Je sais pas. Il est allé faire quelque chose. Je disais, il faut filmer ça. Il avait oublié de quoi? Ça a bien été, c'est quoi? S'il a oublié de quoi, c'était pas important. C'était quelque chose. Mais quand il me montrait mes instruments, j'ai dit, il y en a deux, là. J'ai dit, deux instruments que je peux utiliser. Oui, puis j'ai dit, je veux pas être chier. C'était deux sacs de plastique. Oui. Hey, il y a quelqu'un qui dit, je veux juste vous dire en passant qu'il y a une femme dans l'équipe des Blue Angels. Hein? Y a une dans femme. L'équipe, dans les pilotes ou dans l'équipe? Dans les pilotes. C'est, ben, c'est, avait, c'est moi, je me souviens pas de son nom, mais effectivement. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle pilote. Moi, il y avait une femme, quand j'étais là, qui s'occupait de nous installer dans l'avion, tout le kit, là. Mais dans l'équipe, dans les six. Il faut voir sur le site des Blue Angels, là. Je crois que, oui. Oh, effectivement, une belle petite blonde, en plus, elle est jeune. Ah ouais. Oh, les Thunderbirds ou les Blue Angels. Ça change rien, fille ou gars là-dedans, là. Je veux dire, une bonne tête, c'est une bonne tête, puis une bonne shape, c'est une bonne shape, puis à partir de là, let's go. C'est, le reste, c'est le moteur qui le fait. Puis, mais le mental est là. Ils sont alertes, ils sont quick. Il y a de plus en plus de pilotes dans les fighters aux États-Unis, de femmes. De plus en plus. C'est quoi? Oh, les Blue Angels, t'es chum! T'es chum, ils viennent de saluer! Chum. T'es chum, tu sais. En tout cas, je vais dire une chose. Check-moi, malade, ouais. Toi. Ils sont quatre, là. T'as l'impression qu'ils sont deux, mais il y en a quatre. Un autre, il se paye une méchante traite. Hein? On passe entre les deux clochers, PA. Ouais. Check ça! Raccord! Oh! On dit ça depuis 2 ans. C'est même pas vrai, mais ça a l'air de ça. Ça a l'air d'être une illusion d'optique. Oui. Regarde, t'avais l'impression qu'ils étaient deux, hein, Yves? Ouais. Ils sont quatre. Tout à fait, ils sont quatre. Ils sont quatre. C'est beau. Imaginez-vous 18 pouces. Ah, c'est fou. Ils sont en train de gagner. Regarde si c'est beau. Sais-tu qu'est-ce qui m'impressionne, moi? Jusque-là, ça va. Check ça, Nick, viens voir. Jusque-là, Jeff, ça va, quand ils volent en formation. Mais ce qui est impressionnant, c'est quand ils se défont de leur formation et ils se rejoignent. Oui. Hey, tu vois rien, là. Tu te défais de la formation, pas de break, c'est rien. Il est où, l'autre? À quelle place tu te rejoins? Puis check comment, la loupe, comme toi. Comme ça, j'ai fait ça. Hey, check ouais, si ça, j'ai fait ça, un 360 comme ça, là. Comment j'ai ça? Tout à fait. C'est, là-dedans, on a pris à peu près 5,5. Wow. Hey, là, t'es votant, toi. Ouais, je m'en vais. J'en vais. Salut, bye. OK, envoyez-nous des photos, on met ça sur le site. Ouais. Salut. On a pris à peu près 5G.